j'arrive imprévu, je débarque mes rimes, imprévu, je débarque mes rimes. Flow dramatique, lyrique explicite, être coupable. Car la poisse mérite 2009 Sarko, tu vas goûter mon brownie. Parce que toi t'as rendu cette France sordide. Parce que toi t'as rendu cette France sordide. Tu écoutes mon son, tu finiras infirme. C'est des arcs au micro, c'est moi la ferme du crime. Bim bim, tu finiras sans carreau. Une balle logique dans le cerveau. Comme signature, c'est addict, c'est harcelé. Ici les flics chez nous font que nous palper, nous traquer pour nous incarcérer dans ces putains de maisons d'arrêt. J'ai ces journées, ça me fait pas peur d'y retourner. Mais ça tu vois, c'est pas près d'arriver. Région centre, je viens représenter 18240, voilà mon récit et mon quartier. L'HP a essayé de nous conditionner. Mais qu'est-ce qu'a ce putain de système à nous réformer? De toute façon, il s'avère qu'au gouvernement, ce n'était les PD. De Namar d'être méprisé, 2010, il est temps de se révolter. De Namar d'être méprisé, 2010, il est temps d'arriver. Depuis le jour, on a été caché dans l'ombre. Tu vois maintenant cette France, ça me fait honte. J'arrive imprévu, je débarque, mes rimes. Plus au dramatique, lyrique explicite, être coupable. Car la poisse mérite 2009 Sarko, tu vas goûter mon broly. Parce que toi, t'as rendu cette France sordide. Si tu écoutes mon son, tu finiras infirme. C'est des arcs au micro, c'est moi la ferme du cri. Tu écoutes mon son, tu finiras infirme. Bim bim, tu finiras sans carreau. Une balle logique dans le cerveau. Je vais te saigner comme un veau. Une balle logique dans le cerveau.